on ne frappe pas dans les, sur le visage, ou bien le maqatil. Le maqatil, les endroits où il peut être tué. On ne frappe pas dans le ventre. On ne frappe pas sur le cœur. On ne frappe pas sur son flanc. On ne le frappe pas sur ses parties intimes. On le frappe où? On le frappe dans le dos. On le frappe sur ses pieds. On le frappe sur ses mollets. On le frappe sur ses cuisses. On le frappe sur ses fesses. Mais on ne frappe pas, comme j'ai dit, dans les parties où il peut mourir. C'est pour ça qu'en islam, quand on, quelqu'un, par exemple, fait par exemple la fornication, on doit le fouetter. On ne fouette pas dans les parties où je viens de citer. Et c'est pour ça aussi, s'il est marié déjà, on doit le lapider. On ne le lapide pas avec des cailloux, on les jette sur sa figure, là, sur les parties les plus dangereuses. Mais dans les autres parties, jusqu'à ce qu'il meure. Donc, vous voyez, yani, l'importance du visage. L'importance du visage, c'est yani, ce qu'il y a de plus, yani, comment dire, yani, de plus respectable en la personne. Déjà, quand quelqu'un est défiguré, quand quelqu'un est défiguré, déjà, yani, il a perdu la moitié de, yani, si on peut dire, de sa personnalité. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait. Mais bien sûr, la chose la plus essentielle, c'est l'iman. La chose la plus essentielle, c'est l'iman, alhamdoulilah. Mais je parle, yani, de, yani, question d'esthétique, je parlais. Ensuite, j'ai dit que, si certains vont dire, mais ce n'est qu'un animal. C'est un animal. Réponse très vite et très simple. L'animal, c'est pas ton animal. C'est-à-dire, c'est ton animal, tu l'as acheté ou là on te l'a donné, mais tu l'as pas créé. Il faut créer ton animal, ton propre animal, va le créer, ensuite fais de lui ce que tu veux. Cet animal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. C'est lui son maître, son seigneur. Alors il t'a dit, voilà ce que tu dois faire avec cet animal, voilà comment tu dois te comporter. Il te l'a créé pour, voilà pourquoi il t'a créé cet animal. Pour que tu profites. Tu manges sa viande, tu montes sur lui, mashallah, les grandes distances tu traverses à d'autres chameaux. Mais tu ne fais pas de lui ce que tu veux. Tu ne fais que lui, de lui que ce que Allah Azza wa Jalla veut. Car il est chez toi en dépôt. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il est parti chez quelqu'un, suite, il est rentré pour faire des besoins. Il est rentré dans un jardin pour faire des besoins. Ensuite, quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, qui est le propriétaire de ce jardin? Quelqu'un a dit, c'est moi, ya Rasulallah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ce chameau est à toi? Il a dit, oui, il est à moi. Il a dit, il est venu se plaindre. D'ailleurs, le chameau a même versé des larmes, a pleuré. Il a dit, il est venu se plaindre et il m'a dit que, yani, tu lui donnais pas beaucoup à manger, ou bien il a dit que yani, tu faisais monter sur lui plus qu'il n'en pouvait. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Mais c'est pas la peine de vous dire, vous connaissez tout cela, qu'une femme est rentrée en enfer à cause d'un chat. Je l'ai beaucoup dit et répété, je le répète. Une femme qui est rentrée en enfer à cause d'un chat. Ni elle ne lui a donné à manger, ni elle l'a laissé comme ça libre dehors et qu'il mange n'importe quoi. Il mange des souris, il mange n'importe quoi. Il mange dans la poubelle. Donc elle l'a laissé à la maison comme ça jusqu'à qu'il soit mort. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il a dit dans un hadith sahih, il a dit, Ama alimta, ne sais-tu pas, il parle avec quelqu'un qui s'appelle Amr ibn al-As. Il lui dit, ne sais-tu pas, أن الإسلام يهدم ما كان قبله أو يهدم نسيتو با que l'islam يعني annule ou la démolit ce qui a été fait avant lui, toutes les choses qu'on a faites avant l'islam. Nesitu pas que quand tu deviens musulman tout a été annulé, يعني tout ce que tu as fait a été annulé. وأن الهجرة et que la هجرة تهدم ما كان قبلها et que la هجرة aussi يعني elle annule ce qu'il y avait auparavant. Wa an al hajj yahdum ma kana qablahu, et que c'est pas quand on va au hajj on annule, on démolit tout ce qu'on a fait auparavant. Et ne sais-tu pas que le hadith sahih dit que quand on va au hajj, yani si on a fait le vrai hajj qu'on revient comme si notre mère venait de nous accoucher. Et la cause de ce hadith, c'est que Amr ibn al-As, radiallahu ta'ala anhu, il a dit, Atitun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je suis venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, pour lui poser la question, il a dit, Fasallam fa'afun fa'kultu, absit yaminaka fala ubayi'ak. Ya Rasulullah, yani donne-moi ta main droite pour que tu fasses la bay'a. Yani, je fasse ce qu'on appelle l'allégeance. Yani, bay'a, ou bay'uk. Que, yani, on doit te suivre, etc. Il a dit, fabasata yamina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tendu sa main droite. Fabasata yamina. Ensuite, le hadith dit, astaghfirullah, faqabastu yedi. Qala, qabastu yedi. Faqala ma laka ya Amr. Ensuite, Amr a yani, retenu sa main. Hein, comment qu'on fait l'allégeance à lui? Le prophète alayhi wa sallam met sa main par en bas et l'autre met sa main dessus. Yani, ou bien le contraire, l'autre met par en bas et l'autre met en dessus. Mais ici, le compagnon a retenu sa main. Il voulait l'attendre, ensuite il l'a retenu. Alors le prophète alayhi wa sallam lui a dit, Malaka ya Amr, qu'est-ce que tu as ya Amr? Ouais, yani, tu as changé d'avis? Qala aradtu an ashtarita. Il a dit, je veux faire des conditions. Naam, je veux faire des conditions. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Mada tchtarif? Il lui a dit, Mada, yani, Mada aratan tchtarif? Qultu, je voudrais, An yakhfira li, ou an yukhfara li. Je voudrais, parmi les conditions, avant de faire de l'allégeance, c'est que Allah Azza wa Jal m'annule et me pardonne mes péchés. An yakhfira li, qala. Ici, le prophète alayhi wa sallam a répondu, Ama alim tan l'islam, yahdum ma kana qabla, ne sais-tu pas que l'islam a annulé, démoli tout ce qui a été fait auparavant? Donc ce sahabi radiallahu ta'ala anhu ne savait pas que l'islam a annulé ce qu'on faisait auparavant. Hada, yani, fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un est juif ou chrétien ou là, il est bouddhi ou là, bouddhiste, ensuite il rentre en islam, alhamdulillah, yani, tout a été annulé, ce qu'il a fait auparavant. Pourquoi? Parce qu'il était dans la jahiliya. Ensuite, hadith akhar, nam, où le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam a dit, Ama kana yajidu hada ma yusikinu bihi ra'sah, Ama kana yajidu hada ma yakhsilu bihi thiyabah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un qui avait les cheveux comme ça, yani, qui montait, comme on dit, vers le ciel, yani, ébouriffé, les cheveux qui ne sont pas coiffés. Je ne sais pas comment on dit, qui montent comme ça en haut. Il a dit, Ama yajidu hada ma yusikinu bihi ra'sah. Celui-là ne trouve-t-il pas de quoi, yani, faire descendre ses cheveux, ça veut dire de quoi les peigner. Il ne trouve pas, il laisse comme ça ses cheveux, yani, il fait peur. Et ensuite, il a vu quelqu'un avec des habits, yani, sales. Il a dit, Ama yajidu hada ma yakhsilu bi thiyabah. Celui-là, il ne trouve pas de quoi se laver ses vêtements. Non. C'est pour montrer que, en islam, yani, on ne reste pas avec les vêtements sales, et on dit quoi? On dit, yani, c'est ça la sunna. Là, on reste avec les cheveux comme ça, yani, tout est bouffé, ensuite on dit, ça ne fait rien. Là, en islam, yani, on essaye d'être bien, on essaye d'avoir une, yani, un physique, yani, qui soit acceptable. Il faut pas qu'on nous montre de la main. On dit, regarde celui-là, ses cheveux, celui-là, ses vêtements, ils sont sales, etc. Mais pas au point que ça soit une adoration. Pas au point où ça soit, yani, une adoration qu'on prend certaines femmes quand elles restent, yani, du matin au soir, yani, en face du miroir. Ça, il y a un hadith aussi qui dit qu'on ne doit pas faire cela. Ensuite, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit, أما الرجل فلينفر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقذه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات فيها. يستحدث هنا déjà d'une fois le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, l'homme, yani, quand il fait par exemple le lavage majeur de la janaba, il a dit فلينفر رأسه, commence à se laver ses cheveux, jusqu'à ce qu'ils sentent que l'eau a touché, yani, a touché l'endroit d'où poussent les cheveux. Yani, c'est pas seulement il met un peu d'eau, il mouille ses cheveux, mais jusqu'à ce qu'il touche, yani, sa tête, l'endroit, yani, au sol, l'endroit où commence à pousser les cheveux. Donc l'homme doit, le cuir chevelu, l'homme doit, yani, bien, comment dire, frictionner ses cheveux pour faire rentrer l'eau. L'homme doit bien frictionner ses cheveux pour que l'eau touche le cuir chevelu. La femme, quand elle a des cheveux tressés, c'est pas la peine de les dénouer. C'est pas la peine pour la femme de dénouer ses cheveux. Il l'a dit, qu'elle jette sur sa tête trois fois, par exemple, comme ça avec par exemple, une casserole ou là, elle jette sur sa tête trois fois, ça lui suffit. Il a dit, c'est pas la peine qu'elle ouvre ses nattes, qu'elle dénoue ses nattes, sauf comme j'ai dit une fois, si c'est le lavage des menstrues. Le lavage des menstrues et des louchis, elle doit dénouer ses tresses. Le lavage de la djanaba, c'est pas la peine qu'elle dénoue ses tresses. C'est pas la peine qu'elle dénoue ses tresses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois compagnons, radiallahu ta'ala anhum, qui sont venus le voir. Ils se sont il y avait une petite dispute en ce qui concerne la fille de Hamza. Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort. Donc ces trois compagnons, chacun dit, moi, yani, c'est moi qui dois, comment on dit ça, comment on dit, par exemple, elle doit rester chez moi. Yani, c'est moi, par exemple, quand une femme divorce, on dit, elle doit rester chez la femme. Il y a un mot ici, j'ai oublié comment on dit. De toute façon, chacun voulait que ça soit lui, yani, à lui revient la fille, elle dit, yani, son éducation, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas donné à ces trois personnes. Le tutorat. Naam. Il voudrait être son tuteur ou quelque chose comme ça. Ça s'appelle Havana. Non, pas l'Idda, l'Havana. Ça s'appelle Havana, pas l'Idda. Chacun voulait que ce soit lui, alladhi yahdanuha. Alladhi yahdanuha. Al-Muhim. Il n'a pas donné à ces trois. Il n'a pas donné à soi, il a donné à une autre personne. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Amma anta, ya Ja'far. Donc il y avait Ja'far, wa Ali, radiallahu ta'ala anhuma, wa Zayd. Zayd, wa Ali, wa Ja'far. Les trois voulaient la fille, chacun disait, moi, c'est moi qui dois. Le prophète, alayhi sallallahu sallam, ne l'a pas donné à ces trois. Il a donné à une quatrième personne, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, amma anta, ya Ja'far. Quant à toi, Ja'far, t'ashbahta khalqi wa khuluqi. Quant à toi, Ja'far, tu ressembles à mon caractère et à mon physique. Quant à toi, Ja'far, tu ressembles à mon physique, khalqi wa khuluqi, et à mon caractère, et à mon bon caractère. Wa amma anta ya Ali. Quant à toi, ya Ali, Ali ibn Abi Talib, fa anta minni wa ana mink. Toi, tu es de moi et moi, je suis de toi. Wa amma anta ya Zayd. Alors, quant à toi, ya Zayd, fa akhuna, notre frère, wa maulana, maulana. Le maula en arabe, ou bien c'est le chef, ou bien c'est le serviteur. Ça se dit pour les deux. Ou le jariya, et la fille, elle dit, inda khalatiha. Et la fille, elle sera donnée à sa tante. Fa inna al khalata walida. Car la tante, c'est une mère. La tante, c'est la mère. Donc, il n'y a pas la mère, il y a la tante. Pas la tante. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quoi la grande sagesse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on peut tirer de ce hadith? C'est quoi la grande sagesse? La grande sagesse, c'est que regardez. Quand il y a des gens qui veulent par exemple des choses, on ne va pas leur donner cette chose pour ne pas les laisser partir avec un cœur brisé. Il leur dit des choses, voilà, des phrases là-dedans, yani, qui font yani, pencher leur cœur, des choses qui les attirent, des choses, hatta yajbir, yajbira, yani kasra qulubihim, yani, il dit des choses qui yani, te font oublier yani, la chose que tu n'as pas eue. Sont venus pour la fille, personne ne l'a eu. Mais ils ne sont pas revenus comme ça avec un cœur serré, un cœur chagriné. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours yani, à la hikma, la grande sagesse que Allah azza wa jalla lui a donnée, il sait ravir les gens. Ça dit bien sûr, je le dis parce que nous on doit apprendre cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, c'est pas une culture générale. C'est pas comme avant de dormir, quelqu'un va lire le monde avant de dormir. il dit Figaro, il dort, pour savoir ce qui s'est passé dans le monde. Eh bien non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla a dit wa in tuti'uhu tahtadu, si vous allez le suivre vous serez guidé. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana wa iswa. Comme ça, yani on doit le suivre pour être guidé, donc on doit faire comme lui. Et j'ai dit une fois que le bon caractère jouait un très, le bon comportement jouait un très grand rôle, et que plus on a un bon comportement, plus on sera près du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du monde dernier. Regardez ici les belles phrases qu'il a dit aux trois personnes. Il a dit Amma anta ya Ja'far, alors toi ya Ja'far, tu ressembles mon caractère et mon physique. Wa amma anta ya Ali, quant à toi ya Ali, toi tu es de moi, moi je suis de toi, nous sommes la même famille, tu es mon cousin, etc. Wa amma anta ya Zayd, tu es notre frère wa maulana. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Regardez la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment qu'il sait, yani, qu'il sait yani, enlever les chagrins des cœurs des gens et dire des choses qui paraissent à rien. Ça paraît banal une phrase comme ça, mais cette phrase a un grand grand rôle. Un grand grand rôle pour se faire oublier, yani, et pour ne pas être chagriné. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, c'est le hadith, hadith 1349. 1349. Il a dit Amma awwalu ashrat as-sa'a, il parle des, vous savez qu'il y a 10 grands signes qui montreront que c'est la fin du monde. Les 10 signes, les 10 grands signes, inchallah ta'ala, je sais que tout le monde les connaît. Mais ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler du premier signe. Il a dit Amma awwalu ashrat as-sa'a, le premier grand signe, narun takhruju min mashriq, un feu qui va sortir de l'est, un feu, un grand feu bien sûr, un grand feu qui va sortir de l'est. فَتَحْشُرُ النَّاسِ إِلَى الْمَغْرِبِ, tellement c'est un grand feu yani, qu'il va pousser les gens, ce feu, à ce qu'il aille vers l'ouest, à ce qu'il aille vers l'ouest. C'est pas yani, un feu, c'est un feu yani, d'une largeur de Manchaf, combien, 500 km ou peut-être plus, je ne sais pas combien, un feu immense, immense, immense, très très immense. Il poussera les gens à aller vers l'ouest, vers le Maghreb. Donc ça c'est le premier signe, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, avant cela, je voudrais vous dire une chose. Naam, je voudrais vous dire une chose. Avant cela, je voudrais donner la cause de ce hadith. La cause de ce hadith. Il y a des gens qui ont voulu tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens ont voulu tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont voulu, ils ont dit on va lui poser certaines questions. S'il peut répondre à ces questions, naam. S'il ne peut pas, ça veut dire que ce n'est pas un prophète. Naam. An Anas radiallahu ta'ala anhu, qala, balagha ibn Salam, balagha maqdim al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, fa'ata. Donc, ibn Salam, avant de devenir musulman, c'était quelqu'un qui était kafir, a su, on lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Ou bien celui qui dit je suis un prophète, il est arrivé à Médine. Il a dit j'ai été le voir et je lui ai dit inni sa'iluka an thalathatin la ya'lamuha illa nabi, je vais te demander trois questions. Ces questions, bien sûr, celui qui lui demande c'est un juif, Abdullah ibn Salam. Ensuite il est devenu musulman, il est devenu parmi les meilleurs des compagnons, parmi les meilleurs des compagnons. Naam. Pourtant c'était un juif. Il lui a dit je vais te poser trois questions, je ne connais la réponse de ces questions qu'un nabi, qu'un messager, qu'un prophète. Donc ça veut dire si tu vas me répondre, c'est que vraiment tu es un prophète. Il a dit ma awwalu ashrat as-sa'a, c'est quoi le premier signe, yani des signes de la fin du monde. Wa ma awwalu ta'amin ya'kulu ahlu al-jannah, et les gens quand ils vont rentrer au paradis, quelle est la première nourriture qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont manger des fruits, ils vont manger des poissons, ils vont manger la viande. Qu'est-ce qu'ils vont manger? La salade. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils vont manger comme première chose? Allah, c'est vraiment des questions difficiles pour quelqu'un qui n'est pas nabi, bien sûr. Ensuite, il a dit la troisième des choses. وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزَعُ الْوَالَدْ إِلَى أَبِيهِ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزَعُ الْوَالَدْ إِلَى أَخْوَالِهِ. Ensuite, pourquoi? Comment se fait-il que des fois l'enfant il ressemble à son père et des fois il ressemble à ses oncles, c'est-à-dire à sa mère? Pourquoi? quel est le secret de cela? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il lui a dit, Amma awwalu ashrat sa'a, quant à la première, ou le premier signe de la fin du monde, c'est le feu qui sort de l'est et qui poussera les gens jusqu'à ce qu'ils aillent vers l'ouest. Wa amma awwal ma ya'kulu awwalu ma ya'kulu ahlu al-jannah. Quant à la deuxième question, c'est-à-dire qu'est-ce que la première chose que mangent ceux qui sont au paradis, il a répondu faziyadatu kabid al-hut. Faziyadatu kabid al-hut. Le hut en général quand c'est dans le Coran, le hut c'est le grand poisson comme la baleine, etc. Le hut comme le poisson qui a mangé Younous alayhi salam. Poisson qui a mangé Younous, beaucoup de ulama disent c'est la baleine, parce que la baleine, vous savez, elle a une grande bouche, elle a yani, une grande bouche, donc certains ulama disent c'est la baleine. Ici le prophète alayhi salam, il a dit la première chose que vont manger ceux qui sont au paradis, le foie de la baleine. Si c'est la baleine, si c'est pas la baleine, c'est yani, un poisson dont je ne sais pas le vrai nom. Beaucoup de ulama disent c'est la baleine, peut-être c'est un autre poisson qui s'appelle le foie, Allah alam. L'essentiel c'est qu'ils vont manger son foie, et plus précisément ziyadatu kabid, le foie de ce grand poisson. Le foie, il a un petit morceau de viande qui est un peu détaché de lui, ça s'appelle ziyadatu kabid. Donc c'est pas le foie qu'ils vont manger, mais cette chose qui est en plus, elle est attachée au foie. Il y a quelque chose dans ce poisson, dans son foie, il y a quelque chose qui est attaché au foie, relié par quelque chose, un petit morceau comme ça. Ça doit être sûrement, bien sûr, c'est la chose la plus bonne. Sinon, Allah Azza wa Jal nous aurait donné l'autre chose. Amma shabahu al-walid, quant à la troisième question, shabahu al-walid abahu wa ummah. Pourquoi le bébé, des fois, il ressemble à son père et des fois, il ressemble à son mère? Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un professeur, un docteur. Il n'a jamais été à la fac, ni il n'a fait médecine, ni c'est un spécialiste en gynécologie. Comment qu'il va répondre à cette question? Pourquoi l'enfant ressemble à son père? Comment il ressemble à son père? Comment il ressemble à sa mère? Comment peut-il répondre si ce n'est pas le wahi, si ce n'est pas le créateur qui va lui dire voilà comment je crée? C'est pour ça que la réponse à cette question, peut-être tu demandes maintenant à quelqu'un qui a fait de la médecine, il ne connaît pas la réponse. Il dit je ne sais pas pourquoi il ressemble au père, je ne sais pas pourquoi il ressemble à la mère. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Le prophète alayhi sallam, il a dit Amma shabahu al-waladi abahu wa ummah, quant à la ressemblance au père et à la mère, فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ إِلَيْهِ الْوَلَدِ. Il a dit lorsqu'il y a le rapport entre l'homme et la femme, ensuite après le rapport, il y a les deux eaux, les deux liquides qui descendent et qui vont se grouper dans l'utérus de la femme. Il a dit فَإِذَا سَبَقَ, si c'est l'homme c'est le premier à faire descendre son liquide, فَإِنْ سَبَقَ مَا الرَّجُلْ مَا الْمَرْأَةِ, donc le bébé ressemblera à l'homme. وَإِذَا سَبَقَ, et si c'est le liquide de la femme qui précède le liquide de l'homme, alors il ressemblera à sa mère et bien sûr à ses oncles aussi, à ses akhwal, ma mère et ses frères à elle. Donc en ce qui concerne la ressemblance du père et de la mère, c'est d'après quoi? C'est d'après quel est le liquide qui précède l'autre. Si le liquide de l'homme précède de l'époux, il ressemblera au père. Si le liquide de la femme précède le liquide de l'homme, il ressemblera à sa mère et à Akhwalihi. Ça, c'est en ce qui concerne la ressemblance. J'ajouterai une chose qui n'est pas dans ce livre, mais elle est aussi dans un autre hadith sahih, Sahih al-Jama', elle est dans un autre livre, où le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma'u rajuli abyad. Il a dit, le foie de la baleine, il s'agit de l'excroissance du foie, d'après le Bukhari comme l'excroissance du foie. Naam, l'excroissance. Donc c'est quelque chose qui est ziyada, quelque chose qui est ziyada dans le foie. Allah subhanahu wa ta'ala alam, barakallahu fik. Nam. Il a dit, qu'est-ce que je disais? Nam. Nam. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, ma urrajuli abiyad. Ma urrajuli, c'est dans un autre hadith. Il a dit, le liquide de l'homme, bien sûr, le liquide séminal, le liquide de l'homme est blanc. Est blanc. Wa ma u marati, le liquide de la femme, wa ma u marati asfar, le liquide de la femme est jaune. Fa'idajtama'a, si se groupe les deux, si se regroupe, fa'ala mani rajuli maniya, yani fa'idajtama'a, fa'ala mani rajul, فإذا على من الرجل من المرأة من المرأة qu'est-ce qui va se passer, ou bien c'est le liquide de l'homme qui va être en dessus, ou bien c'est le liquide de la femme qui va être en dessus. Ici le prophète a dit فإذا اجتمع فعلى من الرجل من المرأة, si le liquide de l'homme est au-dessus du liquide de la femme, أذكر, il sera un garçon pas une fille. بإذن الله وإذا على من المرأة من الرجل ici le liquide de la femme celui qui vient au-dessus du liquide de l'homme أنثى بإذن الله il sera une fille بإذن الله. Donc je répète ce que j'ai dit très vite, quand le liquide précède descend le liquide de l'homme avant le liquide de la femme, il ressemblera à l'homme. Si le liquide de la femme descend avant celui de l'homme, il ressemblera à la femme. Ils sont de ressemblance, mais on ne sait pas si c'est un garçon ou si c'est une femme. Maintenant, pour savoir est-ce qu'il va être un garçon ou une fille, maintenant, si le liquide vient au-dessus, le liquide qui vient au-dessus, c'est, si c'est le liquide de l'homme qui vient au-dessus du liquide de la femme, il sera un garçon. Et si le liquide de la femme sera au-dessus du liquide de l'homme, il sera une fille. Il y a des choses que seul Allah Azza wa Jal sait et nous a appris. Il est impossible que quelqu'un sache cela, il y a combien d'années, 1400 ans, ou combien qu'il y a, 14 siècles, ou 15 siècles, il sait cela sans avoir jamais été un médecin. Il est impossible que quelqu'un sache cela, ce qui veut dire que c'est une indillahi subhanahu wa ta'ala. Je dis que maintenant, peut-être vous pouvez demander à quelqu'un qui est médecin, il ne sait pas. Dis-lui pourquoi des fois il ressemble à la femme, pourquoi des fois il ressemble à la mère, des fois au père, il ne sait pas. Pourquoi des fois il est garçon, pourquoi il est fille. Il ne sait pas. Peut-être qu'il ne sait pas. Naam. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il a dit, naam. Amma ba'd fa wallahi inni la u'ati ar-rajula wa ada'u ar-rajul. Walladhi ada'u ahabu ilia min ladhi u'ati. Walakin u'ati aqwaman bima ara fi qulubihim min al-jaza' والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمر بن تغلب. نعم البروفيت صلى الله عليه وسلم وصابك يفوزي ce qu'on appelle تأليف القلوب, essayer d'attirer les gens en islam, surtout les kuffars, surtout les grands kuffars, les grands chefs. Le grand chef c'est pas comme n'importe qui. Le grand chef quand il rentre en islam, il peut rentrer avec lui qui toute sa famille, toute sa tribu, etc. C'est pas comme un converti qui était par exemple qui était je ne sais pas qui était le boueur ou là. C'est pas comme le converti qui est par exemple qui était supposons par exemple un grand chanteur. Supposons maintenant je parle maintenant de Michael Jackson maintenant s'il devient musulman, peut-être la moitié de ses fans et des gens qui le suivent vont faire comme lui. La moitié parce que si vraiment il l'aime ils vont faire comme lui. Et si quelqu'un qui est converti, qui est n'importe qui, un boulanger ou là, cette personne ne va rentrer avec lui. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait à ces gens, leur donnait de l'argent, beaucoup d'argent. Comme il a donné à Boussfian, il lui a donné 100 chameaux. Si il lui a ajouté 100, 200. Si il lui a ajouté 100, 300. Il a donné à l'Aqara, Aydan. Donc, cette chose a étonné certains musulmans, mais qui n'ont pas bien compris le sens de cela. Subhanallah al-Azim. Alors c'est comme si ils ont reçu, ils ont senti en leur cœur des choses. Allah, nous on est croyants, on est toujours avec le prophète alayhi sallam, on fait le djihad avec lui, on est du matin au soir, on n'a pas de quoi manger, et lui il donne comme ça par centaines, des centaines de chameaux à X, 200, 300 chameaux. Peut-être, ah, peut-être, astaghfirullah, tu vas ressentir dans ton cœur, tu vas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas juste, n'est pas équitable, ou l'iyadu billah, comme a dit le premier Khariji d'Ul Khouaïsera. Comme ça qu'il a dit. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam donner, il lui a dit, Adil, eh, sois juste. Tu nous as rien donné, sois juste. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pour ça que Cheikh l'Islam a dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, a dit que quiconque croit que, yani, on doit commencer par être les pauvres, etc. Avant maslahat l'islam, celui-là, yani, il est vraiment loin de l'islam. Parce que le prophète, quand il a donné à ceux-là, c'est pour qu'il rentre en islam et fasse rentrer avec eux beaucoup de gens. Ou bien, à la rigueur, on lui donne, même s'il rentre pas en islam, à la rigueur, pour qu'il ne nous fasse pas de mashakil, il ne nous fasse pas de problèmes. On éloigne celui-là, on éloigne ses problèmes, on lui ferme sa bouche. On lui ferme sa bouche, on lui jette un os. Un os, on lui dit, tiens, mange cette eau, et cette eau, c'est laisse-nous tranquille. On lui donne de l'argent pour qu'il nous laisse tranquille. Et comme en islam, par exemple, on voit quelqu'un, c'est un grand voyou, il a il frappe les gens avec les couteaux, il tire des balles avec les revolvers, etc. Normalement, celui-là, on l'arrête, on le met en prison, etc. Mais on peut pas. Comment on fait? On peut pas, on n'a pas de prison, le gouverneur n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne de l'argent, ça ne fait rien, pour l'attirer. Il donne de l'argent, on essaye de l'inviter, on essaye, yani, juste pour le calmer, pour qu'il nous laisse tranquille. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait cela, certains ont senti quelque chose dans leur cœur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur montrer la sagesse. Il leur dit, amma ba'd, fa wallahi, inni la u'ati al-rajul wa ada al-rajul, walladhi ada ahabu ilia min ladhi u'ati. Wallahi, je donne à certains, et j'empêche certains, je ne leur donne pas, alors que ceux à qui je ne donne pas, wallahi, je les aime plus que ceux que je donne. Yani, je veux leur dire, ça ne veut pas dire que j'ai donné à l'autre que je les aime, non. Et ça ne veut pas dire que je ne vous ai pas donné, je ne vous aime pas. Astaghfirullah. Il va leur montrer aussi pourquoi. Il a dit, walakin u'ati aqwaman lima ara fi qulubihim min al-jaza' wal-hala'. Naam, je donne à certains parce que je vois, je sens, yani, dans leur cœur, yani, la crainte de la pauvreté. Je sens, yani, qu'ils risquent même de se détourner de l'islam. C'est pour ça que je leur donne. Pas parce que je les aime ou que je vous aime pas, ça n'a rien à voir. وَأَكِلُوا أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِنَى وَالْخَيْرِ. Et d'autres, je ne leur donne pas parce que d'après ce que je sais, Allah Azza wa Jal a descendu dans leur cœur la sérénité et la quiétude et l'iman. Je sais que ceux-là, ils vont patienter, ils ne vont pas me faire des problèmes. Naam. C'est pour ça que le prophète Islam leur a montré la hikma, la sagesse. Sinon, ils vont croire que il les a lésés, ou là il est injuste, ou là, astaghfirullah. Et quiconque croit que le prophète est injuste, s'il n'est pas kafir, il a fait un grand, grand péché. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. Il parle des ustensiles et des récipients, etc., de Ahl al-Kitab. Ahl al-Kitab, c'est les juifs, et c'est les chrétiens, et c'est le Majus aussi. Parce que le Majus, il a été prouvé dans Hadith Ali, qui est dans le Fath al-Bari, qu'ils avaient un livre, mais ils l'ont perdu. Ils avaient un livre, et ils l'ont perdu. Donc, mais maintenant, ce qui est très répandu, c'est les juifs et les chrétiens. Le prophète, alayhi sallam, nous montre que il a dit, on ne doit pas manger dans leurs récipients, c'est-à-dire dans leurs assiettes, ni boire dans leurs tasses, etc. وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَخْسُرُوا كُلُمِنَا. Mais si vous ne trouvez que ces choses, il n'y a pas d'autre moyen. Comment vous allez faire? Il a dit, donc lavez-les. Lavez les tasses, lavez leurs assiettes, et mangez dans leurs assiettes, et buvez dans leurs assiettes. Mais après quoi? Après les avoir lavés. On ne peut pas boire dans un verre d'un chrétien là sans l'avoir lavé, ni un juif. Pourquoi? Parce qu'il boit avec cela de l'alcool, lui il donne à boire au chien de. Il est très près de la souillure. Il est très très près de la souillure. C'est pour ça qu'on doit d'abord laver. Donc comment qu'on doit faire? Quand c'est quelque chose d'un chrétien ou d'un juif, la première des choses c'est d'essayer de ne pas manger. Et la deuxième des choses, la permission, c'est que tu peux manger à condition d'avoir lavé. Mais aller directement comme ça, boire et manger, dans le récipient, on ne peut pas. il a dit وَمَا سِبْتَ لِقَوْسِكَ وَذَكَ تَسْمَرْ لَعْلِي فَكُلْهُ. Il a dit, quand tu vas à la chasse, quand quelqu'un va à la chasse, il tire par exemple avec une balle, ou là par exemple il a une lance et il tire. Il a dit, quand tu tires, tu dis Bismillah et tu tires. Ensuite par exemple tu vas chercher l'oiseau ou le canard ou le gibier, tu vas le chercher, tu vas le trouver mort. Hein, quand tu arrives, il tombe loin, à 100 mètres, tu le trouves mort. Celui-là, tu peux le manger. Pourquoi tu peux le manger? Parce que avant de tirer, tu as dit Bismillah. Avant de tirer, tu as dit Bismillah. Mais si tu oublies, tu ne dis pas Bismillah, tu ne peux pas tirer. Il faut, avant de tirer, de dire quoi? Dire Bismillah. Je me rappelle une fois, moi, j'aime beaucoup chasser, j'aime beaucoup pêcher. Une fois, je chassais, on appelle les tourtereaux. Je chassais, je voyais sur un arbre, il y avait quelque chose qui me paraissait un tourtereau. J'étais pas très sûr. Parce que c'est lui, ce n'est pas lui, c'est lui, c'est une branche, c'est lui. J'ai tiré, bien sûr, j'ai dit Bismillah, j'ai tiré, rien n'a bougé. Ensuite, j'ai tiré une deuxième fois sur la même chose qui est sur l'arbre. Donc, je suis sous l'arbre et la chose est au-dessus de moi. Je tire, ça ne bouge pas. Ensuite, je me dis donc que c'est un tronc. C'est impossible. Si c'était le tourtereau, là, il serait tombé. Ensuite, je reste une heure ou là sous l'arbre, si je me rappelle. Je dis, je le vois, je dis ça, c'était des tourneaux, là, c'est quoi? Je tire trois fois, j'ai tiré ou là, je dis, c'est pas possible. Si c'était lui, il serait tombé. Ensuite, bien sûr, je suis parti. Le lendemain, je suis revenu au même arbre. Ensuite, j'ai levé la tête, c'est toujours la même chose. Je me dis, quoi, c'est ça, c'est quoi ça, c'est pas là. Ensuite, j'ai eu l'idée, quoi? De tirer, la branche, hein? Faire secouer l'arbre, et voilà que c'était vraiment une tourterelle ou un étourneau, je sais pas comment on l'appelle, on l'a appelé en des zarzor, il est tombé devant moi. Yani, je l'ai tué quand? Je l'ai chassé hier, bien sûr que c'était en hiver, il faisait très froid, c'est-à-dire il n'a pas d'odeur ou là, et bien sûr je l'ai mangé alors qu'il était mort hier. Pourquoi? Parce que quand je tirais, je disais Bismillah. Si tu dis Bismillah, tu tires, même la chose est morte, tu la manges. Mais si tu dis Bismillah, tu dis pas Bismillah, il faut, si tu dis pas Bismillah, il faut que tu arrives au gibier et il soit vivant. Ensuite, tu l'égorges. Premièrement. Deuxièmement, il a dit, وَمَا سِبْتَ بِكِلْبِكَ الْمُعَلَّمِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلِيْهِ فَكُلْ. Ensuite, quand tu chasses avec le chien, il faut que, lorsque tu lances le sien, pour aller rattraper le gibier, il faut que tu dises Bismillah. Naam, si tu chasses avec le chien, tu ne chasses pas avec les armes. Le chien, il va courir sur le gibier, il va le ramener. Pour que tu puisses manger, s'il le ramène mort, pour que tu puisses manger du gibier, il faut que tu dises Bismillah lorsque le chien va partir, avant qu'il ne démarre. S'il démarre, c'est trop tard. Tu dis Bismillah et tu devais démarrer. Quand il démarre, s'il revient avec l'animal mort, tu peux le manger, parce que tu as dit Bismillah. À quelles conditions? Qu'il n'ait pas mangé du gibier. Si maintenant il a mangé quelque chose du gibier, Havva, yani, il a enlevé quelque chose avec ses dents, tu n'as plus le droit de manger. Celui-là, quand tu as un chien, que tu as appris la chasse. Troisièmement, il a dit, mais si tu chasses avec un chien, qui n'est pas un chien de chasse, tu ne lui as pas appris, celui-là, il faut qu'il vienne avec la chose vivante. S'il vient avec une chose morte, c'est pas la peine de la manger, jette-la, même si tu as dit Bismillah. Il faut qu'il vienne avec une chose quoi? Avec un gibier vivant. Donc regardez la différence entre le chien quand il a la science. Quand un chien a la science, il a appris sa science de la chasse, son gibier devient halal, subhanallah al-Azim, pourvu qu'il ne mange pas lui. Son gibier devient halal. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime la science, même dans les animaux, même un animal, quand on lui apprend, lui donne la science de la chasse, etc., tellement Allah aime la science qu'il a fait que son gibier, même mort, est halal et on peut le manger si on a dit Bismillah et lui, il n'a pas goûté de ce gibier. Ensuite, on va à un autre hadith où le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Ibrahima, lamma ulqiya fil nar, lam yakun fil ardi dabbatun. إلا أطفأت النار عنه غير الوزغ فإنها فإنها كانت تنفخ عليه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, lorsqu'on a jeté notre prophète Ibrahim عليه السلام dans le feu, vous savez qu'on a un grand feu, et c'était tellement le feu était grand et énorme qu'on pouvait même pas s'approcher pour le jeter, pour jeter Ibrahim dans le feu, on risquait de se brûler. J'ai lu dans beaucoup de livres, ils ont dit que ils ont fabriqué, je ne sais pas comment on appelle ça en français, en arabe ça s'appelle minjanir, c'est un appareil comme ça où on met par exemple un grand caillou et ensuite on tire et on laisse le caillou aller, le rocher, il va très loin là-bas, je ne sais pas, 500 mètres ou 1 km, il tombe loin. Hein? Ça se trouvait dans le temps des Romains, catapulte, barakallahu fik, le catapulte. Donc Ibrahim a.s., on a dit qu'on l'a mis dans un catapulte et on l'a envoyé comme ça au loin. Il est tombé dans le feu, un feu énorme, et on l'a, la hawla wa la quwwata illa billah. Quand on l'a jeté dans le feu, on l'a déshabillé nu. C'est pour ça que le prophète a.s. a dit que Ibrahim sera le premier homme le jour du jugement dernier qui mettra les vêtements avant tous les autres, parce qu'on l'a jeté nu dans ce grand feu, cet énorme feu. Donc il sera le premier à être habillé. Je disais que quand il était dans le feu, il est resté 2 ou 3 jours dans ce feu, tous les animaux, il a dit, ce hadith dit, tous les animaux essayer d'éteindre ce feu tellement il était énorme. Chacun essayait comme il pouvait, soit avec sa patte, soit en essayant de ramener un peu de terre, soit tous les animaux. Il a dit sauf le lézard, il essayait de faire en sorte que le feu soit beaucoup plus grand. Sauf le lézard, il soufflait dans le feu pour, je sais pas si on dit attiser, je crois que c'est le contraire, pour qu'il soit encore plus grand. Lorsqu'on souffle, on souffle dans le feu pour qu'il soit encore plus grand, pour le vivifier. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc tous les animaux essayaient d'éteindre ce feu, sauf le lézard. La hawla wa la quwwata illa billah. Attiser, vous voyez ce que c'est le lézard, c'est un petit, comme ça, un petit reptile. Il ressemble un peu au crocodile, mais il est très petit. On le trouve dans les toits, dans les vieilles maisons. J'espère que c'est lui. Là, ça s'appelle, je ne sais pas s'il s'appelle le lézard, Inch'Allah, c'est lui. Corrigez-moi si j'ai dit faux. Il ressemble à un crocodile, mais il est très petit, c'est peut-être 10 cm ou là, peut-être même pas. Et on trouve comme ça dans les murs, il marche, sur les toits, il rentre comme ça, on le trouve dans les vieilles maisons. Sauf cet animal, ce reptile, a voulu attiser le feu. Allah, il n'a pas voulu que le feu s'éteigne. Il faisait son possible pour que le feu reste comme ça énorme. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque tue le lézard au premier coup, il a 100 hasana. 100 hasana. Mi'a. Ici, mi'at hasana. Naam. 100 hasana. Quiconque tue le lézard dont je viens de parler, la première fois, pas la deuxième fois, la première, il est mort. Il a 100 hasana. Dans un autre hadith, il a dit, s'il le tue la deuxième fois, il a tant. S'il le tue la troisième fois, il a tant. Je crois qu'il a dit 30 ou bien il a dit 10. J'ai oublié. Mais ce dont je suis sûr, il a dit, s'il le tue la première fois, il a 100 hasana. Ensuite, ce lézard, j'ai lu que il y a des sortes qui sont venimeux. Mais en général, quand vous voyez le lézard, en général, il n'est pas venimeux. Mais qu'est-ce qu'il fait? On m'a raconté une fois une histoire qui est vraie, que une fois le lézard est rentré dans Bakaraj. Comment ça s'appelle Bakaraj? Comment on dit Bakaraj? Où on met le thé, etc. Il y avait quelqu'un qui s'est endormi, il a laissé le Bakaraj où on met à l'intérieur le café, etc. Il s'est endormi. Le matin, quand il s'est réveillé, il a fait, réchauffer le thé ou là, le café qu'il y avait dans le plateau. C'est pas le plateau, le bakaraj, je vais dire le bakaraj. Bon, la cafetière, c'est où on met le café. Pour boire le café, on le met dans la cafetière et on verse. Maintenant, on met le thé. Il y a quelque chose du thé. Bon, Il n'y a pas, inchallah, il n'y a pas d'importance que ce soit la cafetière, disons la cafetière du café. Donc le matin, le bonhomme est là, il a fait chauffer son café et il a bu. Ensuite, il est mort. Il est mort. Ils sont étonnés. Subhanallah, pourquoi il est mort celui-là? Ils ont fait les investigations, etc. Ils ont trouvé que dans la cafetière, il y avait un lézard qui est mort la nuit. Non. Le lézard est rentré pour boire, ou je ne sais pas. Il est tombé à l'intérieur, il n'a pas pu sortir. Quand il est mort, il y a son poison qui est sorti. Et l'autre, le matin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu directement. Alors ça me rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que une chose qui passe la nuit, il ne faut pas la manger. Il ne faut pas la boire ni la manger. Sauf si elle est dans un endroit, par exemple, caché ou bien fermé. Ou bien elle est bien fermée. Non, il a dit parce qu'il y a une maladie qui descend. Il y a une maladie qui descend. Et regardez, si celui-là avait jeté son café, il avait fait un nouveau, il ne serait pas mort. Mais, qadarallahumma shata'ad, c'était écrit qu'il allait mourir. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna iblisa yada'u 'arshahu 'ala al-ma'. Iblis a un trône. Allah Azza wa Jalla a un trône et Iblis a un trône. Mais, bien sûr, c'est pas la peine de dire que la différence entre les deux, c'est comme entre le ciel et la terre. Mais, le trône de Iblis, où est-ce qu'il le met, Ada Iblis? Il le met sur l'eau. Il le met sur l'eau. Surtout, sur la mer. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont à la mer pour nager et quand ils reviennent avec le djinn. Ils reviennent, yani déjà, ils ont le djinn. Yani ils ont été frappés par le djinn. Des fois, quelqu'un il va à la mer, il dit ni bismillah, ni rien, il plonge comme ça. Il ne sait pas qu'il est devant peut-être le trône du shaitan. Le trône, c'est-à-dire, il prend, comment dit-nous, yani, sa caserne où il commande. Il prend tous ses soldats et il est sur l'eau. Alors il a dit, ثم يبعث سرايح. Ensuite, il commence à envoyer ses soldats en mission. De là-bas, de la mer, il envoie ses soldats, ses shayatins en mission. Ils viennent sur la terre ici et ils reviennent. Ils reviennent, ensuite ils demandent à tous, yani, qu'as-tu fait toi? Qu'as-tu fait aujourd'hui, toi, qu'as-tu fait, etc. Il a dit, فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُمْ مَنْزِلَةً عَدَوْ فِتْنَةً. Il a dit, celui qui est le plus près de Iblis, pour être le plus près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois avoir le meilleur comportement. Et pour être le plus près de Iblis, l'Aïn, tu dois être celui qui sait faire la plus grande fitna. Celui qui fait la fitna plus, c'est celui que Iblis rapproche et yani, fait de lui un ministre, par exemple, un conseiller, etc. Il leur donne des grades. Il a dit, yadi ou ahadum fayakul, fa'atu kada ou kada. Il a dit, quand il revient des missions, il vient. Il dit à Iblis, j'ai fait ceci et cela. J'ai fait de sorte à ce que X a bu de l'alcool. J'ai fait de sorte à ce que X a pris de la drogue. Que lui répond le shaitan? Que lui répond Iblis? Il lui dit, ma sana'ta shay'an. Tu n'as rien fait. Ça compte pas pour moi. Tu n'as rien fait. Thumma yaji wahaduhum. Ensuite, il y a un autre qui vient. Il a dit, par exemple, j'ai fait ceci. Tu n'as rien fait. Ensuite, il vient quelqu'un et lui dit, ما تركت يعني je ne suis pas arrêté حتى فرقت بينه وبين اهله jusqu'à ce que j'ai séparé entre lui et sa femme. Non, j'ai fait mon possible يعني avec eux, avec la femme, avec l'homme, avec la femme. Je vais يعني je rentre dans celle-là, dans celui-là, les ouswas, etc. حتى الحمد لله ils ont divorcé, j'ai séparé entre eux. Il a dit فيودنيه منه. Alors il a dit, il le rapproche, il lui dit ni'ma anta. Naam, voilà, c'est toi ce que je veux. Voilà le bon travail. Voilà yani, la fidélité. Voilà ce que j'aime. Et celui-là, il le rapproche et lui donne yani, peut-être le plus haut grade. Peut-être le plus haut grade. Pourquoi? Parce qu'il a fait la chose que aime beaucoup le shaitan. Comme a dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, Yufarriquna bayna al-mar'i wa zawjih. Yufarriquna bayna al-mar'i wa zawjih. C'est-à-dire qu'il parlait de shayatin, bien sûr. J'ai beaucoup tardé à l'aïkhda chournance, je m'arrête ici. Anklamu bihamdik shahadun la ilaha illa, astaghfiruka wa atubu ilayk. Préparez vos questions, inshallah ta'ala. De préférence, vous les envoyez à ceux qui n'ont pas l'akhar. Les points rouges, pour que ce soit facile, inshallah ta'ala, pour les poser, inshallah ta'ala. Je vais en dire à certains aussi ici. On se rencontre, inshallah, dans 5 minutes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت إن شاء الله الحمد لله حق حمده. والصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ابو عبد العزيز il est chez moi minuit moins quart ici au Koweït. À minuit et demi, inshallah, tu m'arrêtes. Minuit et demi, tu m'arrêtes pour ne pas m'oublier. Inshallah ta'ala, minuit et demi, inshallah ta'ala. Fadda, inshallah, soual l'awwal. Fadda, inshallah, soual l'awwal. Le premier soual, c'est quoi le feu de l'Est? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salat salam, ashraf al-mursalin. J'ai dit que il y avait 10 grands signes, hein, Masih ad-Dajjal, Nuzul Isa, Dabba, Dukhan, les 10 très connus. Il y a un feu qui va sortir de l'Est. Certains ont dit de l'Arabie Saoudite, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mais ce feu va sortir de l'Est et il va pousser les gens à ce qu'il aille vers l'Ouest. À ce qu'il aille, yani ce feu est tellement horrible, tellement immense, tellement fort, tellement, yani, rouge, tellement, tout le monde va fuir vers l'ouest. Wallahu subhanahu wa azawajal. Fadda, inshallah, deuxième question. S'il y a une sœur, elle commence, elle, inshallah ta'ala. Sinon, un frère, inshallah, pour ne pas faire deux fois. Comme Sakina dit, par rapport aux lézards, devons-nous tuer à main nue? J'ai entendu une fois dire quelqu'un qu'il fallait le tuer à main nue. J'ai entendu dire quelqu'un, pas un alam, quelqu'un qui parlait comme ça, il a dit qu'il fallait le tuer à main nue. Je me rappelle avoir dit, je n'ai jamais lu ça ni trouvé. Si quelqu'un peut nous dire où se trouve qu'il faut le tuer à main nue, qu'il nous le dise. Moi, je ne connais pas cela. Moi, je ne connais pas cela. Si quelqu'un peut nous dire, oui, il y a un hadith qui dit à main nue, moi je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Donc moi je marche avec, en général, qu'on le tue. Et moi quand je tuais avec la carabine. Je tuais avec la carabine. Direct à la tête, il descendait direct mort. Maintenant, celui qui tue avec la main, je ne connais pas le hadith. S'il n'y a pas de hadith, c'est vraiment difficile de tuer avec la main. S'il y a un hadith, sami'na wa ata'na. Montrez-moi seulement le hadith. S'il n'y a pas, yani, c'est un peu difficile de le tuer avec. Yani, c'est pas difficile. Yani, notre cœur n'aime pas cela. Comment yani, le tuer avec sa main comme ça? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Autre question, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que les hypocrites iront de façon éternelle en enfer? Est-ce que tout muhaddith est un mouchtahid dans le fiqh? Est-ce que tout mouchtahid dans le fiqh est un muhaddith? Comment répondre à ceux qui disent que l'imam Ahmed n'est qu'un muhaddith, n'est pas un mouchtahid dans le fiqh? Barakallahu fikoum. Beaucoup de questions sont dans ce paragraphe. Les hypocrites iront éternellement en enfer. Inna al-munafiqina fi d-darki al-asfali min an-nar. Les hypocrites, non seulement iront en enfer, mais ce seront ceux qui seront le plus châtiés. Les plus châtiés par rapport au kuffar normal. Il y a les kuffar et il y a les hypocrites. Tout hypocrite est un kafir. Et pas tout kafir est un hypocrite. Tout hypocrite est un kafir. Et pas chaque hypocrite est un kafir. Et non pas chaque kafir est un hypocrite. Mais l'hypocrite, comme j'ai dit, son adab est beaucoup plus grand que celui du kafir. Et j'avais dit la fois passée pourquoi. Mais quand on parle des hypocrites, on parle de nifaq l'aqida, pas nifaq l'amali. Parce qu'il y a un hadith qui dit, par exemple, que si on ment, on est munafiq, si on rate les rendez-vous, on est munafiq, si yani, on se bagarre, on se dispute, on dit des mots qui ne sont pas bien, on est munafiq. Tout ça, c'est la petite hypocrisie. Nous, on parle de la grande hypocrisie, ou la yadou billah. Ensuite, est-ce que tout muhadith est un mujtahid? Non. Quelqu'un peut être muhaddith sans être mujtahid. Quelqu'un peut être muhaddith sans être mujtahid. Qu'est-ce que tout mujtahid dans le fiqh, c'est muhaddith? Et pas spécialement aussi. On peut être mujtahid dans le fiqh, on ne peut pas être muhaddith. Muhaddith, c'est une spécialité. On peut être mujtahid dans le fiqh, on connaît beaucoup de hadiths, mais on n'est pas muhaddith. Non, on n'est pas muhaddith. Comment répondre à ceux qui disent que l'imam Ahmed n'est qu'un muhaddith, n'est pas mujtahid? Celui qui dit celui-là, celui qui dit une chose comme celle-là, c'est un égaré. Je te conseille de ne pas perdre beaucoup de temps avec lui. C'est celui-là même qui te dira, il te dira, Cheikh Al-Albani n'a pas de fiqh. C'est un muhaddith, c'est tout. Et Cheikh Al-Bulghutaymin n'a pas de hadith. C'est un faqih, c'est tout. Ceux-là, ce sont des gens égarés. Barakallahu fik, ne perds pas ton temps avec eux pour le djidel, parce que ça ne va pas marcher. Essaye d'apprendre le Coran et de demander la science, et laisse les égarés comme ça en train de perdre leur temps. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah. Fadla, inshallah, prochaine question. Est-il, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, est-il interdit de boire ou manger dans le récipient avec un juif ou un kafir? Dans le récipient d'un juif. Dans le récipient d'un juif ou là avec un juif? J'ai pas compris. S'il veut dire le récipient d'un juif ou d'un kafir, on peut manger dans son récipient si on a quoi? Après avoir lavé le récipient. Si le récipient a été lavé, on peut manger dans le récipient d'un juif ou le récipient d'un chrétien. S'il n'a pas été lavé, on ne peut pas manger dans son récipient. Prochain sou'al, inshallah. Un frère, pouvons-nous lire le Coran sans houdou? En serons-nous récompensés? En ce qui concerne la lecture du Coran, si tu veux dire réciter comme ça, sans le houdou, ce n'est pas très grave. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé une fois de son lit la nuit en train de dire Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wal nahar la ayat li ulil albab. Donc, hada, il s'est levé comment? Quand on se lève, on n'a pas le houdou, c'est sûr. Donc on peut réciter, mais pour lire le Coran, de préférence on doit faire le wudu. De préférence on doit faire le wudu. C'est à peu près la parole la plus juste. C'est le plus juste qu'on doit faire, inshallah ta'ala, le wudu, parce qu'il y a un hadith et c'est ce qu'on dit la plupart des ulama, comme Cheikh Ibn Uthaymin, Ibn Baz, tous les grands ulama ont dit cela, à part bien sûr Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Hazm, qui ont dit qu'ils pouvaient. Mais je dis, pour plus de précaution, on ne lit le Coran qu'après avoir fait le wudu, ou alors du moins le tayammum si le wudu est loin, par exemple. Pardon, sur la prochaine question. Est-il correct de dire qu'Allah fait des traductions quand il rapporte les dialogues des prophètes non arabes dans le Coran? Le tafsir Jalalin est-il un mot de ciel que Allah vous préserve? Naam, est-il correct de dire qu'Allah fait des traductions quand il rapporte les dialogues? Il faut bien faire la différence ce qu'on dit d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le dit pas du côté des noms et des attributs. On le dit du côté de l'akhbar. L'akhbar, c'est parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle de lui dans ce sens. Le fait de faire l'akhbar, de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plus vaste que bab sifat. C'est plus vaste que le chapitre des attributs. Les attributs, on ne les connaît que d'après le Coran et la Sunna. Mais des fois, on dit des choses d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est dans le sens de l'akhbar, l'ukhbar anhu, l'ukhbar. Et on ne décrit pas. On dit, mathalan, on parle de quelqu'un, on lui dit Akhzak Allah. Vous cherchez dans le Coran le hadith, vous n'avez pas trouvé par exemple le mot peut-être Akhza. Bon, le mot Akhza, il y a. Attends, je donne un autre exemple. Par exemple, tu dis. Soit on peut ajouter comme ça des mots qui n'y a ni dans le Coran ni dans la Sunna, mais min bab al-akhbar, c'est-à-dire, ils n'ont pas dans le sens des attributs. Dans le sens des attributs. Par exemple, tu dis Allah subhanahu wa ta'ala, Mawjoud. Tu dis Allah Azza wa Jal, Mawjoud. Alors Mawjoud, il n'y a ni dans le Coran ni dans la Sunna le mot Mawjoud. Tu dis Allah Azza wa Jal, Ba'in. Il n'y a ni dans le Coran ni dans la Sunna, Ba'in. Et tous les ulama ont employé ce mot Moujoud, le mot Ba'in, et comme ça. Maintenant, s'il a parlé, il a dit qu'on a fait des traductions. En ce sens, il ne parle pas du côté des attributs, mais il parle du côté de Akhbar. Bab al-Akhbar, c'est vaste. Bab al-Akhbar, c'est vaste. Comme ça, on dit les ulama. Mais ici, il a dit qu'il fait des traductions quand il rapporte les dialogues des prophètes non arabes dans le Coran. Pas bien compris, il fait des traductions. Quand il parle des dialogues des prophètes non arabes dans le Coran. De préférence, on dit Allah Azza wa Jalla yukhbiruna. Allah Azza wa Jalla dans le Coran yukhbiruna an al-hiwarat allati kanat tajri bayna al-anbiya. De préférence, on dit Allah Azza wa Jalla yahki lana wa yukhbiruna. Au lieu de dire il fait des traductions, on dit Allah Azza wa Jalla haka lana fil Quran ou akhbarana annahu kada wa kada afdal. Et tafsir al-Jalalin est un bon tafsir. Le tafsir al-Jalalin, ce n'est pas un bon tafsir dans la aqida. C'est un tafsir qui est simple et très simple. Si tu veux connaître des mots, qu'est-ce que ça veut dire ceci, cela, des mots. Qu'est-ce que ça veut dire le hor, qu'est-ce que ça veut dire le haoud, qu'est-ce que ça veut dire taïr ababil. Tu veux chercher des mots, lis-le. Et dans la aqida, si tu parles de aqida ou là, évite-le. Évite-le, naam. Prochaine question, inshallah. نعم أخسجي إن شاء الله on vous envoie un mail avec des questions sur le hajj, vous pouvez y répondre dans le salon si on veut les rappeler. نعم, si les personnes qui sont là dans le salon, je le réponds inshallah ta'ala. Si les personnes sont là, je le réponds inshallah ta'ala. Est-ce que la prière avec des bottes est acceptée? La prière avec des bottes, inshallah ta'ala, est acceptée. Naam, la prière avec des bottes, inshallah ta'ala, est acceptée. Quant à ceux qui m'ont posé des questions sur le hajj, je réponds inshallah ta'ala très vite. Je réponds inshallah ta'ala très vite. La question c'était, je ne les ai pas en français, je les ai dit en arabe, je traduis à peu près comme ça de ma tête. L'Issafi Haraj l'a dit, est-ce qu'il n'y a pas de problème si on ne va pas à Namira? La première question c'est, est-ce qu'il n'y a pas de problème si on va pas à Namira? Et est-ce qu'il n'y a pas de problème pour celui qui ne s'arrête pas, c'est l'Orana Hadi? Est-ce qu'il n'y a pas de problème si quelqu'un ne s'arrête pas là-bas? Non. Hel Mumkin, et la même chose, Hel Mumkin al-Zahab, Mubasharatan ila Arafa. Est-ce qu'on peut aller directement à Arafa et Ada' Salawat Hunak? Yani al-Dhuhr ou l'Asr. La réponse, Salat fi Namira Sunna faqat. Salat fi Namira Sunna faqat. Mais si tu vas directement à Arafat pour faire la prière là-bas, c'est faisable, ça se fait. Et tu as loupé une sunna. Ça veut dire que celui qui l'a fait là-bas, celui qui l'a fait à Namira, a beaucoup plus de hajj. Pourquoi? Parce qu'il a fait la sunna. Mais celui qui l'a fait, la laisse à Arafat, ce n'est pas haram. Mais ça se fait aussi là-bas. Ensuite, est-ce que il a dit ici, هل لابد من المبيت في مزدلفة؟ هل لابد من المبيت في مزدلفة؟ المبيت في مزدلفة واجب يجبر بدم. C'est-à-dire si quelqu'un ne passe pas la nuit à Muzdalifa exprès, il doit égorger quelque chose. Il doit égorger quelque chose. Mais l'Albani a dit c'est un pilier. L'Albani a dit c'est un pilier. Si quelqu'un ne passe pas la nuit à Muzdalifa, il a dit c'est un pilier, il n'a pas de hajj. Et la plupart des ulama disent que ce n'est pas un pilier, c'est seulement une obligation. C'est-à-dire, s'il ne la fait pas, il doit verser le sang, c'est-à-dire égorger. Donc, même si c'est un pilier ou n'est-ce pas un pilier, dans tous les cas, il faut passer la nuit à Muzdalifa. Dans tous les cas. Il ne faut pas rater la nuit à Muzdalifa, surtout la nuit là-bas. Ensuite, il a dit. نستطيع الذهاب قبل ذلك نتقدم لأننا نمشي على الأردن نتوقف وننظر معنا أظن نصف أو الواحد ثم نذهب إلى مينا. En principe à Muzdalifa on doit rester jusqu'au Fajr. À Muzdalifa, quand on va à Muzdalifa, c'est-à-dire qu'on doit passer la nuit et rester jusqu'au Fajr. Sinon, on peut, si on a des excuses, on peut partir vers 2h du matin, 3h du matin, on peut partir de Muzdalifa si on a des excuses. Mais sinon, la sunna, tu dois rester, comme vous devez savoir, jusqu'au Fajr. Est-ce que la femme sort, elle fait à la fête, pour lever ses mains, faire les doigts, etc., ou bien elle reste dans la tente? Il est préférable pour la femme de rester dans la tente. Quand elle est à Arafat, elle reste dans la tente. Ce sont les hommes qui, après là, sortent et vont lever les mains jusqu'au le coucher du soleil. Mais la femme dans sa tente, elle aussi, elle lève sa main et elle fait les doigts. هل صحيح انه يشرع الاكثر من تلبية بيمين احترام العقبة؟ نعم التلبية quand est-ce qu'elle s'arrête, تنتهي عند إرادة الرمي بالعقبة. Quand on arrive où on va jeter les pierres, الرمي هذا où on va jeter les pierres, quand on arrive là-bas, on s'arrête du تلبية. On s'arrête, on dit plus لبيك اللهم لبيك. On est arrivé là-bas et ce n'est pas vrai que à chaque fois qu'on jette la pierre, on dit Allahumma lbek. Là, on s'est arrêté. Il n'y a plus de tilbiya maintenant. On jette seulement les pierres bi-idnillah azza wa jal. Est-ce que ghayr muharram hal yastati' tahiyyat al-masjid? Quelqu'un qui n'est pas muharram, hal yastati' tahiyyat al-masjid 'iwadan min tawaf? Bien sûr. Quand tu rentres au masjid al-haram, tu es libre. Ou bien tu fais le tawaf, ou bien tu fais tahiyyat al-masjid. Même si tu n'es pas muharram, tu fais le tawaf, fais-le à la place de tahiyyat al-masjid, il est mieux. Mais si tu ne veux pas faire le tawaf, tu rentres directement, tu t'assois, tu fais tahiyyat al-masjid, la prière de la mosquée, tu t'assois et tu lis le Coran au lieu de faire le tawaf. Mais le tawaf, il est mieux. Il reste une chose, parce qu'on doit se laver pour le tawaf si on n'est pas sûr de notre pureté. Je ne sais pas s'il parle russe ou bien il parle des ablutions. Je ne sais pas s'il parle du russe ou bien il parle des ablutions. De toute façon, quand quelqu'un pour faire le tawaf, de préférence, il doit être pur, un grand lavage et petit lavage, de préférence. Mais si pendant le tawaf, il n'y a pas un délil, mais je dis ce que disent la plupart des ulamas. Mais si tout en faisant le tawaf, il perd ses ablutions, c'est pas la peine de sortir du tawaf. Il continue. Les ablutions, son tawaf sont les ablutions. Parce qu'il n'y a pas un délit comme ça très clair qui dit que on doit faire les ablutions pour le tawaf. Il n'y a pas un hadith qui dit que les petites ablutions sont obligatoires. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Nouvelle question, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'ai vu une nuit, on est à des veilles, une femme à mes côtés. Elle voulait dormir dans mon lit. Celle-ci avait le djibab, elle était noire de peau. J'ai shahad et fait protection près d'Allah et elle est partie. Est-ce un djinn? Il faut bien faire attention lorsqu'on est à demi-éveillé. Des fois, on est à demi-conscient, c'est-à-dire ni éveillé ni en train de dormir. Et à ce moment-là, on peut voir des choses. On peut voir des choses, qu'on voit. Parce qu'on est à moitié endormi, quand on croit que la chose est devant nous. On est à moitié endormi, quand on croit que la chose est devant nous. Même des fois, on se pose des questions, on se dit, est-ce que je suis éveillé, est-ce que je suis en train de dormir? Des fois, il fait noir, on est en train de regarder le plafond, ensuite on se parle, on se dit, je suis en train de regarder, ou là, je suis en train de faire des rêves, je ne sais pas si je suis en train de dormir. Ça arrive cela. Maintenant, enlevant ce cas, si on est très éveillé comme ça, très conscient, et on voit un homme devant nous, ou là, une femme, ce n'est qu'un djinn, naam, ce n'est qu'un djinn, ça ne peut pas être autre chose. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lit ayat al-kursi, on fait l'ad'iyya. C'est l'ad'iyya, a'udhu bika al-mikla'i al-tamman, kuli shaytani wa hammam, kuli a'in dhamma, et la suite des ad'iyya, incha'Allah ta'ala. Naam, incha'Allah ta'ala, c'est un djinn. Parce que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna li-buyuti, ou li-diyari, la'ummaran, il a dit, beaucoup de maisons ont Ammar. L'Ammar, ce sont des djinns. Beaucoup de maisons ont des djinns qui vivent avec vous. Des fois, ils font des bruits, des fois ils ne font pas. Des fois ils se manifestent, ils se font voir, des fois ils ne se font pas. Et ces djinns-là qui vivent s'il est très très difficile dans la plupart des temps de les faire sortir. Pourquoi? Parce que des fois, c'est à toi qui est demandé de sortir et non pas à lui. Lui, avant qu'on construise la maison où tu habites, il y a des milliers d'années, c'était un ravin, c'était un ouest, c'était une montagne ici, et lui, ses grands-parents, ses aïeuls habitaient là-bas. C'est la maison, il te dit ici où je suis, c'est la terre de mon plus grand-grand-grand-père. Seulement, il n'a pas les papiers, il n'a pas la résidence et tout. Il n'a pas la nationalité. Mais il va te dire, moi j'habite ici depuis des milliers d'années, celui-là, il est maintenant venu, il a construit ici la maison, il croit que c'est sa maison celui-là. Alors celui-là, il ne veut pas partir. Il reste dans la maison. Des fois, on tombe avec des djinns qui sont bien, ils font pas de mashakil. Hein, ils sont à leur côté, toi tu viens à ton côté. Et des fois, tu tombes avec ceux qui font des mashakil, tu tombes avec ceux qui font des mariages à 2h du matin, ils commencent à frapper la derbouka. Ah, il te dit, aujourd'hui c'est mon mariage, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas le droit de me marier, ou là? C'est la derbouka toute la nuit. Alors, dans ce cas, yani, il faut faire beaucoup de, yani, lire beaucoup de Coran, faire beaucoup de kaf, etc. Mais dans la plupart des cas, on peut pas les faire sortir ceux-là. Wallahu subhanahu wa ta'ala, ta'adam. Une autre question, inshallah, Allah al-afiya. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit dans des maisons, qu'on soit préservé d'Ibn Azzaoud. Salam alaikum. Un frère pose les questions suivantes. Quel est le jugement sur les cadeaux d'anniversaire reçus? Et que doit-on faire si on reçoit et qui permet de tricher à l'école? Sahoula wa la quwwata illa billah. Les cadeaux des anniversaires, on n'a pas le droit de les recevoir. Car l'anniversaire, il faut que vous sachiez, l'anniversaire, c'est reconnaître que le din des chrétiens est valable. On peut même rentrer dans le coffre si on reconnaît. Parce que eux, ils font cela, soi-disant que Jésus, Isa alayhi salam, est né tel jour, à chaque fois on va faire ça, maintenant on le fait pour nous. Donc, les anniversaires, c'est, yani, ihya dhikra la alaqa bid-din. Ça a un rapport avec le din des chrétiens. C'est pas la peine de dire non, moi je fais, yani, mais sans idée, j'ai pas cette idée. Juste pour que je me rappelle que j'ai 20 ans, que j'ai 18 ans, on lui dit ça, c'est une habitude des chrétiens. Mais toi, le prophète alayhi sallam t'a dit, Khaliful Yahoud ou Nasara, ne faites pas comme les Yahoud et comme les chrétiens. Surtout quand c'est quelque chose qui a rapport avec le din. Donc, on n'assiste pas et on ne reçoit pas. Si quelqu'un t'a ramené quelque chose, tu n'as pas fait d'anniversaire et t'a ramené quelque chose, tu la donnes. Tu la donnes ou là tu la donnes yani, en hasanet. Tu la donnes à quelqu'un, tu la prends, tu la laisses pas chez toi, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Que doit-on faire si on en reçoit? Tu la donnes, tu t'en débarrasses, tu la donnes à quelqu'un sans lui dire que c'est un cadeau. Tu la donnes à un pauvre qui s'habille avec ou là si l'habit n'est pas haram. Et qui permet de tricher à l'école? Qui n'est pas permis de tricher à l'école? Men rachana l'isamina. Quiconque triche n'est pas de nous. Quiconque triche n'est pas de nous, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salam, du fait de vivre dans un pays de coffre, doit-on respecter le roi barakallahu fik? Chaque loi que fait le kafir, et cette loi n'est pas en contradiction avec ton din, tu peux la respecter. D'ailleurs, sinon, qui t'a dit de rester avec le kafir? Quand tu rentres dans un pays de kafir, ça veut dire que tu as fait un pacte avec lui, que tu dois respecter ses lois. Sinon, s'il savait, il ne t'aurait pas laissé rentrer à l'aéroport. Donc si tu rentres, tu respectes les lois qui ne vont pas à l'encontre du Coran et de la Sunna. Ça veut dire s'il y a un feu rouge, tu t'arrêtes. Si c'est interdit de passer par là, tu passes de l'autre côté. Si tu te dis tu travailles de 8h à midi, tu travailles de 8h à midi. Tu te sauves pas à 10h. C'est comme ça. Toutes les lois qui ne sont pas en contradiction avec le Coran et la Sunna, tu les respectes. Inch'Allah ta'ala. Prochaine question, Inch'Allah. Certaines personnes disent qu'une femme peut rester dans la même pièce que son beau-frère avec son mari et manger en même temps, disant que la vie de Cheikh Al-Albani est vrai, alors que le hadith, ça indique que le beau-frère c'est la mort, éclairez-moi, barakallahu fik. Cette question, j'ai répondu hier ou l'avant-hier par email. J'ai répondu par email à cette personne et à une autre personne. Il ne fait rien sur la table, je vais redire. En principe, les femmes et les hommes, les femmes mangent seules dans une pièce et les hommes mangent seuls dans une pièce. C'est comme ça en principe. Quand on est invité ou là on a des invités, on prépare à l'avance de chaque plat deux plats. Et on se dit, ça c'est pour les hommes et ça c'est pour la pièce des femmes. On va faire deux pièces. Une pièce pour les femmes, vont rester les femmes, une pièce pour vont rester les hommes. Pourquoi? Premièrement, il y a des femmes par exemple qui portent le sitar. Si elle va qui porte le sitar, comment qu'elle va manger devant l'homme? Elle doit l'enlever. Si elle l'enlève, elle ne prend pas de l'avis de Cheikh Al-Albani. Elle prend de l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen par exemple, qui dit qu'il faut le sitar. Donc s'il le faut, elle ne peut pas l'enlever devant les hommes. Elle ne peut pas l'enlever devant son beau-frère. Comment qu'elle va manger? Donc, quand elle est dans sa pièce, dans une pièce avec les femmes, elle est libre, elle est à l'aise. Masha'Allah. Maintenant, si on se trouve dans une situation où on va manger ensemble, ce n'est pas haram, inshallah ta'ala. Ce n'est pas haram, en ce sens que, je dis, si on est dans le besoin, il n'y a qu'une seule chambre et on va manger ensemble, la ghalib, je ne vois pas, inshallah ta'ala, que ça soit haram. À condition que les hommes sont de côté et les femmes sont de côté, mais pas mixtes. Il y a des chacun devant une femme. Là, les hommes de côté, les femmes de côté, les femmes un peu plus loin, les hommes, yani, je veux dire dans la même pièce. Les femmes à droite, les hommes à gauche, les femmes derrière, les hommes debout. Si on est yani, dans le besoin, il n'y a pas d'autre solution. On n'a qu'une seule pièce. Là, on rentre dans un restaurant, on est en voyage, on rentre dans un restaurant, il n'y a pas. Il n'y a seulement qu'une seule pièce. Comment on va faire? On va être de côté. On va être de côté, moi et ma femme. Et les autres qui sont de l'autre côté. Donc une femme qui se dit que le sitar est obligatoire ne peut pas l'enlever ni devant son beau-frère ni devant une autre personne. Pourquoi? Parce qu'elle a pris de l'avis que c'est obligatoire. Quant à son beau-frère, c'est la mort. Son beau-frère, le mort, quand ils sont tête à tête. Si on laisse sa femme avec le beau-frère, c'est la mort. Mais quand on est en groupe, ce n'est pas la mort. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand quelqu'un veut parler à une femme et elle est seule, qu'il prenne quelqu'un avec lui ou une autre personne. Ça veut dire je dois parler à cette femme dans sa maison, je dois lui parler quelque chose de très important. Au lieu que j'aille frapper à la porte seule, je prends moi deux ou trois hommes et je vais chez elle. Je laisse la porte ouverte et on parle. Voilà votre fils, voilà ce qui s'est passé, etc. Mais je ne rentre pas seul chez une femme. C'est pour ça que ce qui est interdit avec le beau-frère, c'est qu'elle soit seule avec lui. Mais quand elle est avec son beau-père, elle est avec la mère aller avec, c'est moins interdit, inshallah ta'ala. Une autre question, inshallah. Pouvez-vous faire un dos sur l'éducation, car j'ai peur de les éloigner. Par rapport au djinn, beaucoup disent qu'on ne peut pas les voir. Salam alaykoum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Naam. Astaghfirullah wa atubu. Naam, parce que je me suis déconnecté. Je ne sais pas de quoi elle parlait. Éducation de qui? Éducation? Naam. Je ne sais pas de quelle éducation elle parle. Ensuite, par rapport aux djinns, les enfants. Pouvez-vous faire le calendrier sur l'éducation des enfants? J'ai peur de les éloigner. Ça, l'éducation, ça demande yani, à parler au moins une heure. C'est pour ça que je vais laisser un dors spécialement sur l'éducation, inshallah ta'ala. L'éducation, il faut profiter quand ils sont jeunes. Ils sont 7 ans, 8 ans, quand ils nous écoutent. Après, quand ils atteignent l'âge où ils ne nous écoutent plus, ils se disent dans leur cœur, mon père miskin, c'est un arriéré, ou là, ma mère miskina. Là, on peut plus rien faire. Donc, il faut profiter tant qu'ils sont jeunes et ils nous écoutent et ils aiment nous imiter. C'est là qu'il faut profiter inshallah ta'ala pour leur apprendre le din, leur apprendre le Coran. Mais il faut qu'ils soient un couple yani, bien soudé comme on dit. Il faut que le couple soit, c'est pas seulement la mère, parce que le père la plupart du temps il est absent ou là il est au travail ou là yani, ça lui dit pas beaucoup de choses. Et la mère, la plupart du temps, elle ne peut pas faire tout cela elle seule. Elle ne peut pas faire tout cela elle seule, éduquer, laver, etc. Donc c'est pour ça que c'est la responsabilité des deux, Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah Ta'ala, je ferai un dors spécialement sur l'éducation, Inch'Allah, autant opportun. Beaucoup disent qu'on ne peut pas les voir. Est-ce vrai? Non, on ne peut pas voir les djinns quand ils sont dans leur vraie forme. Mais on peut les voir quand ils se transforme en être humain ou là il se transforme en autre chose. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit shayatin thalatha, yani il a dit thalathat asnaf, trois sortes. Il a dit sinfun yatiruna fil hawa, il y a un groupe de shayatin qui volent dans le ciel, wa sinfun hayyat wa kilab, il y a un autre groupe. Et les serpents et les chiens, surtout le chien noir. Et il y a un autre groupe, Yahillun wa Yad'anun. Et il y a des groupes qui sont comme nous, yani, ils marchent, yani, ils vont de pays en pays. Ils vont de pays en pays. Ils marchent de pays en pays. Moi, je me souviens une fois, j'étais faire une ruqya à une femme qui était médecin. Ma femme qui était médecin. Elle habitait, je ne sais pas où, au 10e étage ou le 7e, j'ai oublié. Quand je suis rentré chez la fille, c'est une étudiante qui faisait de la médecine, je crois qu'elle était en dernière année, et j'ai vu qu'elle avait un arche de djinn, pas un djinn, elle avait un arche. Vous savez ce que c'est un arche? C'est le grand chef des djinns avec tous ses soldats, les chevaux, les femmes, tous étaient chez elle. Quand je lui ai dit pourquoi, il m'a dit nous on est venu du Maroc et on passait par l'Algérie pour aller je ne sais pas où, j'ai oublié. Il faisait nuit, on a vu en haut, on a trouvé de la lumière, cet appartement où il y a la... On est monté, on est venu directement sur son lit ici. Et elle, la pauvre, bien sûr, elle est venue au lit, elle n'a dit ni bismillah ni rien. Elle a sauté dans son lit et ils sont tous rentrés dans elle. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Donc on ne peut pas les voir s'ils ne se font pas voir. Mais ils peuvent se faire voir en se transformant en crocodile ou là en serpent ou là en chien. Allah subhanahu wa ta'ala al-afiya. Ma sœur dit, le prophète Aïssoum n'avait pas fait de doigt pour que Shaitan ne puisse plus prendre l'apparence humaine. Ma sœur dit, le prophète, il faut que tu saches que je ne connais pas premièrement ce doigt, je ne connais pas ce doigt. Le Shaitan du prophète Aïssoum était musulman, et puis c'est pas spécialement le Shaitan qui fait cela. Il y a le djinn qui est musulman. Il y a le djinn qui est musulman. Parce que tout Shaitan est un djinn. Chaque shaitan est un djinn et pas chaque djinn est un shaitan. Chaque shaitan est un djinn et pas chaque djinn est un shaitan. Donc il peut être un djinn et peut être musulman, il peut pas être shaitan. C'est un musulman. C'est un djinn musulman qui fait la prière, qui va au hajj, etc. Celui-là, il veut se montrer, qu'est-ce que tu vas lui faire? Il faut faire beaucoup de doigts, inshallah ta'ala, pour qu'il s'éloigne de nous. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et moi, avant de dormir, je vais vérifier dans les autres chambres s'il n'y a pas des djinns qui sont ici. La hawla wa la quwwata illa billah. Prochaine question, inshallah. Ça c'est celle. Salam alaykum wa rahmatullah. Vous avez parlé d'un hadith au sujet de la nourriture laissée dehors la nuit. Celle-ci est-elle halal ou pas? Le lendemain, car il arrive de laisser des fruits dehors ou le plat, où il y a le reste des arbres, des restes. Avons-nous le droit de les manger ou non? Enfin, c'est possible de filmer ses enfants afin d'envoyer la vidéo aux grands-parents, barakallahu fikoum les chiens. Salam alaykoum. Avez-vous un chien pour la chasse? Quand moi j'ai un chien, c'est halal. Première question, vous avez parlé d'un hadith au sujet de la nourriture, c'est dehors. C'est halal. Naam, la nourriture, on la laisse pas dehors. Si on veut la laisser dehors, on met le couvercle. Hein, on dit bismillah, on met un couvercle. Le prophète alayhi sallam a dit, même si vous n'avez pas de couvercle, à la rigueur, tu prends par exemple un bâton ou là une règle, tu dis bismillah et tu la poses dessus. Au moins cela. Mais maintenant, alhamdoulilah, la plupart des gens ont le frigo, etc. On la met à l'intérieur, inshallah ta'ala, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a une maladie qui descend et elle descend sur chaque chose qui est ouverte. Maintenant, si on laisse une chose ouverte comme ça jusqu'au matin, il n'est pas haram de la manger, mais de préférence, on ne la mange pas. Il n'est pas déconseillé. C'est pour ça que Cheikh Ben Baz, alayhi rahmatullah, quelqu'un lui a dit, j'ai oublié je ne sais pas quoi, par exemple les macaronis, ou là je les ai oubliés comme ça, je les ai pas, j'ai pas mis le couvercle. Est-ce que je les mange le lendemain? Il lui a dit non, dans les hauts poules. Si tu as des poules, dans les hauts poules. Ça, c'est la réponse de Cheikh Ben Baz, il a dit, dans le manger aux poules. Si tu as des poules, c'est mieux. Parce que peut-être que cette nuit-là est descendue la maladie. C'est une maladie grave, bien sûr. Et un être même inguérissable. À cause de quoi? À cause que tu n'as pas couvert, ou tu n'as pas mis l'achor dans le frigo. En ce qui concerne, est-il possible de filmer ses enfants avant d'envoyer la vidéo aux grands-parents? En principe, on ne filme ses enfants que si c'est vraiment, vraiment, on a des problèmes avec les grands-parents, je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, ce sont eux qui filment, c'est pas moi. Ce sont eux qui filment. Et la vidéo, c'est moins grave que la photo. Quand on prend quelqu'un en photo, c'est plus grave que la vidéo. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de ulama qui ont été filmés par vidéo. Vous voyez, Cheikh Ibn Uthaymeen a des cassettes vidéo, beaucoup de ulama. On les voit à la télé, etc. La vidéo est moins grave que la photo. Mais même la vidéo, on la laisse seulement pour les choses, inshallah ta'ala, elle est très importante pour filmer quelqu'un qui fait le dars, pour elle est quelque chose qui va nous faire des biens pour l'akhirah. Inch'Allah ta'ala. S'il y a des problèmes, on laisse les autres filmer, c'est pas nous qui filmons les enfants, qu'ils viennent, les grands-parents les filmer. Salam alaikum, avez-vous un chien pour la chasse? Car moi j'en ai un chien, est-ce halal? Moi je n'ai pas un chien de chasse, je ne chasse pas avec le chien. Est-ce halal? C'est halal si tu chasses. Si tu as le chien pour chasser, c'est halal. Et si le chien ne fait rien, il est seulement comme ça, il fait aucun travail ou là, celui-là il reste celui donc seulement à manger, non. Mais si tu as un chien pour chasser ou là pour garder par exemple la maison, un chien par exemple chien de garde, on sait qu'il y a beaucoup de voyous, beaucoup de voleurs, etc. On achète le chien, on se fait cadeau un chien berger ou là, un chien bulldog ou là. C'est spécialement pour garder les maisons. Celui-là c'est halal. Sinon c'est vraiment grave d'avoir un chien qui ne fait rien, ni un chien de chasse, ni un chien de garde, ni un chien berger. Ça, le chien te prend chaque jour une montagne de hasanat. S'il n'est pas un chien de chasse ou de garde, ou bien un chien utile. C'est comme le caniche. Celui qui a un caniche, dites-lui, mabrouk alik. Mabrouk alik pour le caniche. Chaque jour, il te prend une montagne de hasanat chaque jour. Donc, puisque toi, tu ne fais pas une montagne de hasanat par jour, donc tu es endetté. Le chien, le caniche, mabrouk alayh, tu es endetté. Tu lui dois des hasanat parce qu'on ne fait pas, nous, une montagne de hasanat par jour. Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis converti et j'ai appris à lire l'arabe, alhamdulillah. Allah nifta alik, wa yu'allimaka al-arabiyata, thumma al-Qur'an. Mais je suis aperçu après la salat du Maghreb aujourd'hui que je faisais une faute de prononciation dans la sourate Fatiha. J'ai corrigé ensuite dans ma salat du Isha. dois-je rattraper les salats que j'ai fait avant l'Isha, sachant que la fête est un péril à salat, si tu faisais une faute de prononciation, mais j'étais ignorant. Quand on fait une faute de prononciation, on voit. Si on a fait une faute de prononciation qui n'altère pas et ne change pas le sens, n'est pas grave. Par exemple, Alhamdulillahi, au lieu de dire, par exemple, Rabbil Alamin, par exemple, tu dis, Rabbul Alamin, Alhamdulillahi, Rabbul Alamin, au lieu de Rabbi. Au lieu de dire Ar-Rahman, Ar-Rahim, tu dis Rahman ou Rahim. Tout ça, ce n'est pas grave. Mais où c'est grave, si tu altères, tu changes le sens. Par exemple, au lieu de, tu dis, An'amta alayhim. C'est Allah qui a fait la ni'ma. An'amta alayhim, tu vas dire, An'amtu alayhim, c'est moi. Ana, An'amtu alayhim. Si tu dis An'amtu, tu dois répéter ta salat. Mais si tu dis dans les autres qui ne changent pas le sens, par exemple, au lieu de dire Ghayri al-Maghdoubi, Ghayri, tu dis Ghayru, Ghayra, c'est pas très grave. Mais si tu changes comme An'amtu, tu dis An'amtu à la place de An'amta, tu la refais, Inch'Allah Ta'ala. Je ne sais pas si ça change le sens de là. Je récitais mal le verset. Iyaka na'budu wa iyaka. Je faisais une faute au lieu de ça, je disais Iyaka na'budu. C'est pas grave. Iyaka na'budu. Na'budu. C'est pas grave, tu rajoutes ha. Non, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. C'est comme ça que tu peux lire. Allah Azza wa Jalla ne va pas te demander de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Naam. Wa laysa wajibun bil iqtida wa la muharramun ma'a al-qiraa. Naam, la laysa wajibun bil iqtida. Tu peux pas, Allah ghalib, tu lis comme tu peux. Tu essayes d'éviter iyyaka na'budu. Tu essayes d'éviter allez. Astaghfirullah, an'amtu 'alayhim. Autre chose, Inch'Allah, il reste 5 minutes. Autre chose, Inch'Allah. Un frère pose, est-il permis de maudire un kafir s'il est contre les musulmans en disant la'natullah alayh, un converti a fait une double récompense, un s'interdit de dormir à côté d'un verre la nuit à cause du djinn. Est-il permis de maudire un kafir s'il est contre les musulmans? Naam, les sunnah al-jama'a disent, même quand on maudit en général, on dit la'natullah alayh al-kafirin, la'natullah ala kada, la'natullah. Mais si tu dis spécialement pour celui-là, tu dis spécialement pour cela, il y a des ulama des salafs qui ont dit c'est permis. Il y a même un hadith de Aïcha où elle a fait la la'na contre quelqu'un. Il y a des ulama des salafs qui ont dit c'est permis parce que spécialement tu sais par exemple que celui-là est vraiment contre l'islam et contre les musulmans, etc. Mais pourquoi en général on ne dit pas la'na? Parce qu'on ne sait pas cette personne. Peut-être qu'elle va faire la touba et va mourir musulmane. Car quand on dit la'na, ça veut dire qu'il est éloigné de Allah. Khalas. Il est matroud min rahmatillah. C'est pour ça qu'on ne sait pas si cette personne va faire par exemple la tawba ou pas. C'est pour ça que les sunnah disent la'natullah ala al-kuffar, la'natullah ala al-zalimin, la'natullah ala kada. Mais si des fois on est très sûr que quelqu'un mérite, il y en a qui ont dit on peut. Un converti a-t-il une double récompense? Inch'Allah ta'ala, il a une double récompense si après s'être converti, il a bien appliqué l'islam et il a été sincère. Il a été sincère, il a bien appliqué l'islam jusqu'à la mort. Allah Azza wa Jal va lui donner deux récompenses, Inch'Allah Ta'ala. Tout ce qu'il a fait avant de devenir musulman, il va lui rendre hasanat, Inch'Allah Ta'ala. Est-il interdit de dormir à côté d'un verre la nuit à cause des djinns? Il n'est pas interdit de dormir à côté d'un verre et les djinns n'ont rien à voir avec le verre d'eau. Les djinns, comme j'ai dit, le shaitan, il a son trône sur la mer, pas sur le verre, c'est sur la mer. Donc il n'est pas interdit d'avoir un verre d'eau devant soi pour dormir la nuit, Inch'Allah Ta'ala. Salam alaikum, je suis divorcé, je veux me remarier, avez-vous des conseils? Ou bien choisir sa femme, barakallahu fikoum. Ou bien choisir sa femme, barakallahu fikoum. Je suis divorcé, je veux me remarier. Avez-vous des conseils pour bien choisir sa femme? Barakallahu fikoum. Non, pour bien choisir la femme, il faut choisir la femme, Inch'Allah Ta'ala, qui est pieuse, la femme qui ne va pas te faire de problème, et la femme qui, yani, tu sens que elle a des choses que tu veux. Elle a des choses que tu veux. Yani, il ne faut pas se jeter par la tête ensuite dire je. Non. D'ailleurs, vous arrêtez de poser, Inch'Allah Ta'ala, des questions, hein, parce qu'il est 30 chez moi. Il est 30. Je disais que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la femme, on se marie avec elle pour quatre choses. L'imaliha pour son argent, l'ijamaliha pour sa beauté, l'ihasabiha parce qu'elle est la fille de X, ou l'idiniha et pour son din. Ensuite, il t'a donné le conseil, il t'a dit prends celle qui a le din. Quand tu as une femme qui a le din et une femme choisit l'homme qui a le din, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand vous n'êtes pas ensemble, lui il est au travail, elle est dans la maison, au moins, il est tranquille, question de fidélité. Pourquoi? Il sait que elle a peur d'Allah et non pas elle a peur de lui. Car quand elle a peur de lui, dès qu'il n'est pas là, elle peut faire ce qu'elle veut. Et lui, quand il a peur seulement de la femme et non pas d'Allah. Quand il est au travail, il peut faire ce qu'il veut. Donc, quand on prend quelqu'un de fidèle, Inch'Allah Ta'ala, quand on prend quelqu'un de pieux, au moins, on a gagné la fidélité. Comme a dit Ali, radiallahu ta'ala anhu, il a dit, quand une femme est mariée avec quelqu'un de pieux, s'il ne l'aime pas, il la laisse pas, il lui fait pas mal. Il a dit, in ahabbaha, akramaha. S'il l'aime, il va la gâter. S'il ne l'aime pas, classe, elle n'est pas entrée dans son cœur, la ben, c'est pas le genre qu'il veut. Au moins, il ne va pas yani, la léser. C'est pas comme beaucoup de gens, comme j'ai reçu aujourd'hui, j'ai reçu un email où il est dit, une soeur dit, il y a quelqu'un qui s'est marié avec moi, ou si je ne sais pas, 2 mois ou là, il a divorcé ou là, il veut divorcer. Sans raison. Elle dit, j'ai même peur. Que yani, il a seulement profité de moi et khlas. Non. Il y en a qui font comme ça. Il abuse, il profite de moi, ensuite il va changer une autre. Ensuite 2 mois, ensuite il va changer. Il va faire comme ça toute sa vie. Il dit, alhamdoulilah, yani, je me marie, c'est légal. Après, je divorce. 3 mois, 4 mois, je profite et je divorce. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. C'est pour ça que je donne toujours un conseil, surtout aux sœurs. Je donne surtout un conseil aux sœurs. Ne vous mariez pas avec le premier venu. Il faut d'abord toujours faire l'enquête. Quand quelqu'un vient pour demander sa main, on demande où tu fais la prière, où tu tournes beaucoup, où tu travailles, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on envoie quelqu'un ou là on va là-bas et on demande à ceux qui connaissent bien. On ne demande pas à un seul, on demande à 2 ou 3 qui ne se connaissent pas, pour qu'ils ne disent pas la même chose. On demande qu'est-ce que vous connaissez celui-là, ils vont te dire, ils ne peuvent pas mentir. Celui-là, wallah, ce n'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelqu'un de bien. Celui-là, il est masha'Allah. Celui-là, yani, on le connaît bien, il est gentil, etc. Sinon, yani, c'est un peu difficile. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Inch'Allah Ta'ala. Bon, donc il y a encore des questions ici. Y a-t-il une salat qui s'appelle salat tasbih? Si je dois faire ce bout de tilawa, si je suis dans un véhicule, Salat tasbih, il y a quelque chose qui s'appelle salat tasbih. Non, il y a quelque chose qui s'appelle salat tasbih. Et c'est un hadith sahih, comme a dit Cheikh Al-Albani, qui parle de salat tasbih. Est-ce que je dois faire sujoud tilawa si je suis dans un véhicule où je ne peux pas me prosterner, mais en baissant un peu ma tête? Je pense que c'est dangereux de se prosterner dans une voiture. Parce que sujoud tilawa n'est pas obligé. Sujoud tilawa. Celui qui veut le faire, il le fait. Celui qui ne veut pas le faire, il ne le fait pas. C'est pour ça que je ne conseille pas à des gens qui sont en train de conduire et font le sujoud. Parce que il suffit de quelques secondes, tu es distrait quelques secondes, il y a des choses, beaucoup de choses qui arrivent, des accidents graves. C'est pour ça que je ne conseille pas à des gens qui sont arrivés en pleine ville ou là, de se prosterner dans la voiture. Ensuite, moi, la prosternation que je connais, c'est poser sa tête en bas, sur la terre, sur le sol et sur sept os. Et ce n'est pas sur le volant de la voiture. Je ne connais pas cette prosternation. doit-on avoir l'eau pour faire sujoud tilawa? On ne doit pas. Ce n'est pas obligé d'avoir l'eau pour faire sujoud tilawa. Ce n'est pas obligé d'avoir l'eau pour faire sujoud tilawa. Aujourd'hui, une sœur m'a envoyé un email où elle m'a dit, c'est dommage, il est un peu loin de moi pour faire sortir. Il y a des sites. Il y a des sites qui, l'apparence, dans l'apparence, tu crois que c'est des sites de Salaf. C'est écrit par exemple salafia.org. Salafia.org. Tu lis le titre, tu dis Masha'Allah, je vais rentrer à l'intérieur, yani, je vais apprendre Masha'Allah. Alors que c'est un site de qui? De Ahbash. C'est-à-dire à l'intérieur, on rit des grands ulama de l'Albani, Cheikh Fouzan, Ben Baz, on rit d'eux, on les insulte, on cadre la hawla ou la quwata l'abdou. Pourtant, c'est écrit quoi? Salafia.org. C'est un site de Ahbash et un autre site qui s'appelle Ben Baz, subhanallah l'adim, benbaz.org. Donc, ils choisissent, on appelle pour attirer l'attention. S'il avait écrit Ahbash, qui va entrer dans un site de Ahbash dégaré? Des chiens qui va entrer chez eux. Et ils vont écrire Salafia, Ben Baz, Ibn Taymiya, et comme ça. Donc je vous conseille, comme je vous ai dit, de ne rentrer que dans des sites que vous connaissez. Inch'Allah Ta'ala, on va se rencontrer. Inch'Allah Ta'ala, mercredi, on se rencontre un peu tôt, à 19h30 chez vous, Inch'Allah Ta'ala. À 19h30 chez vous, Inch'Allah Ta'ala, pour le dars du fiqh. Et Inch'Allah Ta'ala, je vous donnerai des questions pour le contrôle. Je vous donnerai samedi un contrôle, Inch'Allah Ta'ala, où il y aura des questions. Mercredi. D'ici mercredi, Inch'Allah, subhanakallahumma wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.